Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette case du week-end. Il est 10h et un passé d'un peu plus de 10 minutes. Vous êtes dans votre zone de bonne humeur, de détente et de grasse matinée. Si vous êtes encore au lit et que vous profitez du week-end, du samedi matin, eh bien profitez-en, je vais tout faire pour vous réveiller dans la joie et la bonne humeur. Et pour ceux qui sont levés peut-être depuis très très tôt ce matin, je vais essayer de vous faire passer un bon moment. Alors cette émission est en mode dégradé exceptionnellement puisque j'ai cours ce matin, mais il y aura quand même bien une grande partie de vos chroniques habituelles. On va notamment parler des jeux vidéo dans quelques minutes, un peu plus de 3 minutes. Nous parlerons économie, direction Kiba avec Dominique Bayard et Arnaud Pontus. Et puis il y aura également des chroniques numériques, médias et l'éphémérite que vous retrouverez dans une quarantaine de minutes. Voilà donc pour le programme éditorial de cette émission. Niveau musique, émission en mode dégradé. Donc on va être un petit peu en playlist roue libre. Voilà, avec l'équipe de votre playlist de Radio Antigone, mêlée à quelques titres un peu plus récents hors playlist de Radio Antigone. Et puis des grands classiques musicaux, comme vous en avez d'ores et déjà l'habitude dans la case du week-end. D'ores et déjà, expression qui n'était pas du tout appropriée pour cette phrase, puisque la case du week-end a un an et demi, donc ce n'était pas du tout approprié. Voilà, merci d'être avec nous. Le temps passe vite, voilà. Je vais essayer de ne pas être plus long que ça dans ma présentation, puisqu'il est déjà quand même 10h12. Donc je vous propose que nous commencions cette émission avec The National. Voici Anyone Ghost sur Radio Antigone. Merci de passer votre début de journée avec nous, Radio Antigone et Phil FM. Voici The National tout de suite. Say you stay home. The National, c'était Anyone Ghost sur Radio Antigone. Les sorties jeux vidéo. Et Phil FM, précisons-le. bien sûr. C'est donc l'heure des sorties jeux vidéo. Vous avez entendu le petit jingle. Et on va donc parler des jeux qui viennent de sortir, qui sont donc sortis très très récemment. Et puis, je vous propose aujourd'hui un jeu que je ne retrouve pas. Voilà, c'est toujours très très sympathique. Un jeu qui est sorti il y a deux jours, c'était ce jeudi. Il se nomme Grapple Dog. Et oui, alors Grapple Dog, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu 2D avec un style pixel art. Vous incarnez Pablo, un légendaire Grapple Dog, un chien, hein, tout simplement, et qui sauve le monde, à l'aide de son fidèle grappin. C'est un jeu de plateforme où vous allez pouvoir sauter de plateforme en plateforme, utiliser quelques petites machines qui vont vous permettre de vous déplacer sans sauter, en faisant autrement, de point à point, un peu en vous déplaçant à travers des canons. Voilà. Le jeu, c'est de l'action, des sauts pour se balancer dans tous les sens, collectionner des gemmes, et puis partir explorer le monde en bateau. Et puis tout simplement, vous avez 6 mondes colorés à découvrir, 6 mondes différents avec 33 niveaux remplis d'objets à collectionner. Des zones secrètes sont également présentes. Il y a des boss à affronter et puis des défis bonus à relever. Vous pouvez jouer en mode contre la montre ou en collectionnant des objets optionnels, et même utiliser les nombreuses options d'accessibilité proposées pour jouer comme vous le souhaitez. C'est votre jeu, nous dit-on, et ce sont vos règles. Voilà pour ce jeu, développé par Medallion Game, édité par Super Rare Originals, et qui est donc sorti il y a 2 jours. Je vous rappelle le nom, il s'agit de Grapple Dog. Voilà pour ces sorties jeux vidéo qui reviennent en fin d'émission. Vous êtes sur Radio Antigone, merci d'être avec nous. Il est 10h, quasiment passé de 18 minutes. On repart dès maintenant en musique avant de partir du côté de Cuba et de retrouver Dominique Bayard et Arnaud Pontus pour parler économie. Voici Granny Smith, jamais si près. Allongé près de toi, percé par le rythme de ton cœur qui bat. Je sens qu'au fond de moi, tu bouges et tu danses. Je sais que tu es là. Et j'attends la fin, j'ai peur pour. c'était Granny Smith, jamais si près à l'instant sur Radio Antigone et Phil FM dans votre case du week-end. Restez bien là puisque nous parlons dès maintenant d'économie. Aujourd'hui l'économie. J'ai du mal aujourd'hui, je trouve, mais bon, ça n'est rien, ça va aller, ça va aller. Aujourd'hui l'économie, eh bien, c'est comme tous les week-ends avec Dominique Bayard et Arnaud Pontus, bonjour à vous deux. Bonjour Dominique. Bonjour Arnaud. Il y a 60 ans, jour pour jour, les sanctions américaines contre Cuba entraient en vigueur. Et cet embargo dure toujours. C'est le plus long régime de sanctions économiques au monde. Et c'est aussi celui dont les effets sont les plus controversés. Oui, car 60 ans après, le monde n'a plus grand-chose à voir avec le contexte de l'époque. Et pourtant, cet embargo perdure. En 1962, c'est la guerre froide. Les États-Unis voient avec effarement le nouveau régime révolutionnaire de Fidel Castro se rapprochait de l'Union soviétique, sont alors décidées des sanctions avec un but précis, détruire l'économie de l'île des Caraïbes pour rendre le régime impopulaire et ainsi le faire tomber. Un objectif raté malgré les critiques internes et externes, malgré la disparition de Fidel Castro. Même les officiels américains le reconnaissent ouvertement. Aux Nations Unies, ce régime de sanctions est condamné à la quasi-unanimité. En revanche, son bilan est un désastre pour l'économie cubaine. Alors, La Havane estime que ces mesures lui ont coûté 150 milliards de dollars à ce jour. C'est 7 fois le produit intérieur brut cubain si on se réfère à la nouvelle comptabilité du PIB découlant de l'unification monétaire opérée l'an dernier. La facture s'est alourdie avec les lois Torricelli et surtout les lois Helms-Burton de 1996 qui transforment un régime bilatéral de sanctions en embargo international de facto, puisque n'importe quel investisseur risque des poursuites de la justice américaine s'il fait des affaires avec des sociétés américaine nationalisée par Fidel Castro. Cela a immédiatement refroidi les investisseurs internationaux, un mouvement de repli qui s'est amplifié avec le durcissement des sanctions engagées par Donald Trump. Dominique, est-ce que les sanctions américaines sont la cause principale des difficultés économiques cubaines ? Alors, elles y contribuent, elles y ont contribué largement à cause des sanctions. Cuba dépend beaucoup des pays amis, mais leurs propres difficultés internes les contraignent les uns après les autres à revoir leurs relations bilatérales. L'Union soviétique était le premier bailleur, mais avec la chute du mur, elle s'est brutalement désinvestie. Aujourd'hui, c'est le Venezuela qui s'éloigne. Le grand pourvoyeur de carburant limite ses expéditions parce qu'il est lui-même confronté à des pénuries domestiques. Mais les paramètres géopolitiques exacerbés par les sanctions n'expliquent pas eux seuls l'échec du modèle de développement économique. Les sanctions auraient pu renforcer l'autonomie de l'île, sa souveraineté. Cela n'a pas été le cas. Cuba dépend à 80% de l'extérieur pour couvrir ses besoins alimentaires, sachant que l'alimentation et les médicaments sont épargnés par les sanctions américaines. Les réformes monétaires récentes visent à rendre l'économie plus transparente et donc plus prévisible, mais pour le moment, elles ont surtout fait grimper les prix, renforcé les pénuries, faute de liquidités suffisantes, rendant ainsi la vie quotidienne des Cubains encore plus compliquée. Par ailleurs, Cuba souffre aujourd'hui, comme le reste du monde, des conséquences du Covid. Là encore, cela n'a rien à voir avec les sanctions américaines. Et pourquoi ces sanctions perdurent alors qu'elles sont sans effet sur le régime cubain ? Alors Barack Obama, qui a reconnu qu'elles étaient inefficaces, a tenté de les démanteler, de réchauffer les relations avec la Havane. Et Joe Biden, aujourd'hui, n'a pas l'air pressé de reprendre cette voie ouverte par le précédent président démocrate. L'action des différents présidents américains est souvent limitée par le Congrès, qui a son mot à dire pour toute modification des lois Helms-Burton. C'est donc l'agenda électoral qui dicte la politique américaine des sanctions à l'égard de Cuba. Pour conserver les faveurs de la diaspora cubaine, les parlementaires, comme le président Renacle, a changé la donne. En Floride, le sénateur républicain Marco Rubio, lui-même descendant cubain, est un fervent partisan des sanctions. Sa rivale démocrate en piste pour tenter de lui ravir son siège en novembre prochain s'est dite favorable à leur maintien. Merci à vous Dominique Bayard, aujourd'hui l'économie chaque matin. Dans la case du week-end de Radio Antigone, et merci à vous également Arnaud Pontus. On vous retrouve demain et dans une heure nous serons du côté du Gabon avec Marie-Pierre Olfan. On va parler de bois puisque le Gabon est le seul pays d'Afrique centrale à ne plus exporter de grumes de bois brut. Rendez-vous dans une heure avec Marie-Pierre Olfan. Donc pour l'instant, eh bien la musique qui reprend dès maintenant sur Radio Antigone, voici Gorillaz avec Dar. It's coming out, it's coming out, it's coming out, it's coming out, it's coming out. coming out, it's coming out. It's there. Gorillaz, c'était d'art à l'instant sur Radio Antigone et Phil FM. Radio Antigone. Vous êtes les bienvenus si vous rejoignez à l'instant cette case du week-end. Il est 10h30, la case du week-end continue tout de suite et se sans pause. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Mais oui, pourquoi s'arrêter quand tout se passe bien et quand on profite d'un bon programme? En tout cas, j'espère que vous profitez de cette case du week-end. Nous sommes ensemble pendant encore 1h30 avec un très beau programme, notamment musical. Je vous propose dans quelques minutes, Jeanne Haddad avec Feeling Hurt en version acoustique. Il y aura Echo Echo avec Ma Blonde. Et puis, également... Tom Grigori avec River. Ah, alors attendez, ça par contre c'est pas sûr, il me semble pas. Non, pas River, excusez-moi. On écoutera plus précisément bien False Garden dans quelques minutes. Voilà, j'ai un peu de mal par rapport à la programmation musicale. L'émission est en mode dégradé exceptionnellement puisque je suis en cours actuellement, en ce moment même. Mais elle va essayer de se passer le mieux possible tout de même en version dégradée et enregistrée. Nous allons parler très très rapidement numérique dans un instant et puis il y aura votre éphéméride et des actus des médias dans la prochaine demi-heure. Restez bien avec nous si vous voulez profiter de ce programme. La musique revient dès maintenant avec Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. J'irai où tu iras. Chez moi les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux d'étoiles sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour les torrents, tes neiges éternelles. J'habite tous tes yeux brillent où ton sang coule des bras de sel. J'irai où tu iras. J'irai où tu iras. Qu'importe ma place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts marmottants. Des caravanes et des voyages comme sur les dépliants. J'habite tout l'amour est un village là où l'on m'attend. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. En tes clips et tes claques et tes rêves et ta vie. Tes mots, tes tabernacles et ta langue et des styles. Sans péter la poudre et la fille de l'air. Montre-moi tes idées, montre-moi tes enfers. Tes nord et puis tes sud et tes est et d'ouest. Midi, la case du week-end. Elle ne passait que l'été, comme le vent, elle faisait tourner mon monde. Autour d'elle dans la ronde, de ses cheveux couleur de blé, même le soleil ne pouvait se détourner d'elle une seconde auprès de ma blonde. Souvenir d'un temps où bien des sentiments prenaient le pas sur notre monde. Auprès de ma blonde, quelques jours durant, les heures se comptaient en secondes. Ta ta ta ta ta. Près de ma blonde. tant d'autres, j'ai beau souhaiter la tenir plus d'un été auprès de moi. Que l'automne ne me la prenne pas, et pour un seul de ses baisers, à bien des jeux, je me suis brûlé. Comme allumer ma première blonde auprès de ma blonde, souvenir d'un temps où bien des sentiments prenaient le pas sur notre monde. Auprès de ma blonde, quelques jours durant, les heures se comptaient en secondes. Ta la ta ta ta. C'est que l'été, comme le vent, elle nous soufflait qu'elle resterait une vagabonde, que seul son nom résisterait en souvenir inavoué. Dans mille têtes d'hommes à la ronde, ta la ta ta ta, oh oh oh, auprès de ma blonde, ta la ta ta ta, oui, les heures se comptaient en secondes. Ta la ta ta ta, oh oh oh, auprès de ma blonde. Ta la ta ta ta, oui, les heures se comptaient en secondes. Ta la ta ta ta, ta la ta ta ta, ta la ta ta ta, oh oh oh, auprès de ma blonde. Ta la ta ta ta, ta la ta ta ta, ta la ta ta ta, oh oh oh, auprès de ma blonde. Merci d'être avec nous sur Radio Antigone. Vous venez d'écouter Echo Echo, c'était ma blonde à l'instant dans votre case du week-end qui continue tout de suite, voilà, sans pause, elle continue pendant encore 1h15 environ. Dans quelques minutes, nous allons écouter Offenbach et Lalgic avec Wasted Love, et puis il y aura également Jaber, Woki et Mylan avec Alastor, mais nous allons profiter plus proche de nous de Jana Dead avec Fallen Earth à suivre sur votre radio à vif. Radio Antigone, les actus du numérique. Ça se voit que je me suis perdu ou pas du tout? Oui, je pense que ça se voit. Alors, les actus du numérique à 10h39, direction, eh bien, Shadow, la plateforme de streaming, de gaming, de j'ai oublié le nom, super, bravo Enzo. La plateforme de jeux vidéo en streaming française, eh bien, se lance dans la réalité virtuelle avec une solution classée comme innovante par le site frandroid.com. Shadow, une solution de, plus précisément, cloud computing française, eh bien, est un peu bloquée actuellement dans son évolution matérielle. Ils ont eu quelques petits problèmes techniques, notamment financiers, avec un rachat par un autre groupe, mais eh bien, au-delà de ça, il y a quand même des mises à jour hein, qui vont se faire petit à petit, et vous allez notamment bientôt pouvoir vous passer d'un PC physique pour jouer au jeu Steam VR sur votre casque de réalité virtuelle. Steam VR, ce sont les jeux qui, sur la plateforme Steam, la grande bibliothèque de jeux vidéo, sont compatibles avec la réalité virtuelle. Actuellement, eh bien, vous êtes obligé d'avoir un PC, même si vous pouvez utiliser Shadow sur d'autres appareils que des PC, téléphone portable, tablette. Eh bien, pour le streaming, pour la réalité virtuelle, il faut actuellement quand même un PC physique, même si le PC qui joue clairement au jeu, réellement au jeu, est à distance, c'est le principe du cloud gaming. Shadow, donc, a eu quelques petits problèmes, notamment à cause des pénuries de composants, hein, les cartes graphiques, c'est très très compliqué, et donc, la mise à jour des différentes machines de Shadow est un petit peu compliquée actuellement, et notamment des commandes qui sont bloquées. Hein. Les premières commandes, eh bien, tardent à arriver et malheureusement, la nouvelle offre performance ne sera disponible qu'à partir de l'été prochain. Mais comme promis, eh bien, l'équipe de Shadow fait évoluer son application ainsi que les solutions proposées autour de son offre. On peut notamment ajouter que l'application Android offre désormais une meilleure compatibilité avec les manettes, une gestion plus fine des définitions de l'écran et donc des améliorations qui sont en cours, mais donc très très prochainement la possibilité de jouer en réalité virtuelle dans un format Oculus Quest. Ce sont des tests qui sont faits et ça a été annoncé officiellement. Cette fonctionnalité est compatible uniquement avec les casques Oculus Quest 1 et Quest 2, mais et donc cette configuration permet de vous passer complètement d'un PC support car l'application tourne directement sur le casque virtuel. Alors si vous n'avez pas actuellement d'Oculus, Quest, et que vous êtes intéressé par tout cela, sachez que l'Oculus Quest 1 est en vente à 349€ et que le 2 l'est également à 349€ actuellement, sûrement avec des promotions. Voilà pour ces quelques petites infos concernant la plateforme de jeux vidéo en streaming de Cloud Computing, pardon, Shadow, qui est une plateforme, je le rappelle, française. Voilà pour ces actus du numérique totalement raté, mais alors vraiment, bah là c'était raté à un point. Je ne sais même pas comment je peux qualifier cette chronique. Désastreuse, catastrophique, je ne sais pas. Continuons cette émission tranquillement à 10h43. Je suis bien en retard, mais bon, ce n'est rien. On reprend dès maintenant la programmation musicale de cette émission. Partons en 2019 avec une version acoustique d'un titre de Jeanne Haddad. Il s'agit de Falling Earth, extrait de l'album Radiate et des alternatives tech. Ça fait beaucoup d'anglais quand même à prononcer. Will lie in a bed that I will make out of stone, out of clay, out of the hearts that I will break. My breath will find a way. Should I fear you? Walk along some more, and die. Vous êtes sur Radio Antigone, merci d'être avec nous. Vous venez d'écouter l'artiste rennoise Jeanne Haddad avec Fell in Earth. Et il est l'heure de passer dès maintenant à l'éphéméride. L'éphéméride. Nous sommes le 12 février 2022, et oui déjà, ça passe vite hein, quand même, mine de rien. Alors, bonne fête aujourd'hui aux Ombelines, aux Félix, aux Malès, Mélissa, Mélisse, aux Mélissandes, aux Élissandes, Mélissandes, Mélissandre, Mélissandes avec notre orthographe. Bonne fête également aux Rioc, aux Rojatiens, aux Saint-Urnins, ainsi qu'aux Victoires, Victoria, Victoriane ou encore Vicky. Bonne fête à vous. Le 12 février, c'est le 43e jour de l'année. Oui, déjà le 43e jour de l'année. C'est aujourd'hui la journée mondiale et des enfants soldats, ainsi que la journée internationale Darwin, instaurée en l'an 2000, l'initiative de trois amateurs du célèbre naturaliste Darwin. Le 12 février, oh là là, je vais trop vite. Le 12 février, oui, j'ai un petit peu accéléré le temps, on est déjà le 22 février, non, on est bien le 12 février. Que s'est-il passé un 12 février? Eh bien, on peut noter, que James Oglethorpe, le 12 février 1733, a débarqué les premiers colons dans l'actuelle Savannah, au sud-est des futurs États-Unis. Voilà. Que peut-on dire d'autre? Je ne sais pas. Niveau science et technologie et technique, nous dit Wikipédia, c'est un 12 février que la première patinoire artificielle d'Amérique du Nord, eh bien, a ouvert. C'était en 1879 et c'était à Madison Square à New York. Autre élément qui s'est déroulé un 12 février. J'ai vraiment du mal ce soir. C'est un 12 février, le 12 février 1931, que Radio Vatican a commencé à émettre. Le premier émetteur a été fait par l'inventeur de la radio, Guglielmo Marconi. La Radio Vatican a été inaugurée par le pape XI. Voilà. Eh bien, on peut continuer avec des événements s'étant déroulés un 12 février. C'est un 12 février que l'anarchiste Émile Henry a lancé une bombe au café Terminus de la gare Saint-Lazare à Paris le 12 février 1894. Voilà pour les quelques événements qui se sont déroulés un 12 février. Je vous propose de terminer par les anniversaires puisque je n'ai rien fait dans l'ordre aujourd'hui. Qui est né? Qui fête son anniversaire aujourd'hui le 12 février? Voici la réponse dès maintenant si je retrouve le texte. Bon anniversaire aujourd'hui, à l'acteur Jess Spencer, à l'actrice Christina Ricci. Bon anniversaire également à un autre acteur, Josh Brolin, à Corinne Benizio, et puis bon anniversaire également au tennisman Jérémy Chardy qui fête aujourd'hui ses 35 ans. Voilà pour votre éphéméride qui était très très compliqué. J'ai eu du mal, hein. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, c'est fou ça, j'ai vraiment du mal, mais alors jusqu'au bout. Je vais essayer de m'améliorer pour l'heure et 10 minutes qui reste, pour la dernière 1 heure et 10 minutes, ça ne veut rien dire. Je ne m'améliore pas du tout. Allez, on reprend de zéro, on est prêt, tout va bien se passer. Je vais mettre un petit jingle, comme ça on va recommencer proprement. La case du week-end continue, nous sommes ensemble jusqu'à midi. 10h, midi, la case du week-end. En effet, c'est jusqu'à midi et c'est depuis 10 heures, déjà 52 minutes que nous sommes ensemble et on continue tranquillement avec la meilleure musique de Radio Antigone, mais les meilleurs classiques sont également là. On va écouter dans quelques minutes Whitney Houston avec One Moment in Time. Restez bien là si vous voulez écouter ce grand classique musical. Les actus des médias arrivent dans un court instant après Jaber, Wookie et Mylan. Voici Alastor. Jabberwocky et Mylan, c'était à la Store sur Radio Antigone. Radio Antigone. Les actus des médias. On parle politique dans ces actus des médias. Oui, excusez-moi, mais on va parler... Parlons politique, on va parler quand même de médias, puisqu'on va étudier les médias comme d'habitude dans cette chronique, notamment de la nouvelle émission politique de France 2, Élysée 2022, qui a une nouvelle fois changé de formule. Le premier numéro de cette nouvelle formule, le troisième numéro si je ne m'abuse au total, eh bien, a été diffusé ce jeudi, il y a deux jours, et a réuni eh bien un nombre de téléspectateurs bien plus important que le précédent. Une nouvelle formule donc qui a l'air de fonctionner pour l'instant. Le numéro avec Jean-Luc Mélenchon a attiré 2,14 millions de téléspectateurs et 10,7% du public. C'est quasiment, c'est même tout simplement deux fois mieux que le 23 septembre dernier où le numéro avec Valérie Pécresse en invité principal avait rassemblé 1,05 millions de téléspectateurs, deux fois moins également de part de marché, 5,1% du public. Beaucoup mieux donc pour cette nouvelle formule. Alors reste à voir après si les audiences sont dues au à l'invité Jean-Luc Mélenchon ou si ça va se poursuivre sur les prochains numéros. Le prochain invité est Yannick Jadot. Restons dans la politique puisque CNews va également lancer une nouvelle émission politique qui a un nom assez proche de celle de France 2 puisqu'elle s'appelle Élysée 2022. Demandez le programme. C'est une soirée autour du programme électoral des candidats. Le concept, nous dit Le Parisien, c'est de passer au crible les propositions d'un candidat à la plus haute marche de l'État en abordant tous les thèmes de la campagne: économie, santé, immigration, justice, sécurité, Europe. L'objectif de la chaîne, nous dit-on, est de, je cite, donner aux citoyens les clés d'un choix avisé pour cette élection majeure. La première est prévue le jeudi 17 février à 21h, au même moment que l'émission de BFM TV La France dans les yeux avec Jean-Luc Mélenchon. L'émission devait accueillir pour la première Éric Zemmour, mais la rédaction du Parisien aurait appris que ça ne se fera pas avec Éric Zemmour puisqu'il n'aurait pas confirmé apparemment cette date et que son planning ne lui permettrait pas d'être présent. La veille, le mercredi 16, Jean-Luc Mélenchon doit normalement se rendre du côté de C'est à vous et devrait tenir le 17, le jour de l'émission, donc un point presse sur la défense selon les informations, et donc ça ne pourra pas se faire. Visiblement CNews est allé un petit peu vite dans sa communication, tellement pressé de recevoir Éric Zemmour, son ancien chroniqueur vedette de l'émission Face à l'info. On nous signale néanmoins que le polémiste candidat à l'élection présidentielle qui n'a pas encore tous ses parrainages sera présent dans une prochaine émission, sans doute un nouveau prime et puis une autre émission à d'autres moments. Donc pas de guéguerre pour l'instant entre CNews et Zemmour qui ont l'air de toujours bien s'entendre. Voilà pour ces petites actus des médias politiques. Je vous le promets, on parlera pas de politique l'heure prochaine puisque les actus des médias reviennent dans un peu moins d'une heure. Merci d'être avec nous sur Radio Antigone et Phil FM. La case du week-end continue dans un court instant, juste après un petit jingle que je ne retrouve visiblement pas. C'est super pratique. Il est 11h sur Radio Antigone. Radio Antigone. Décidément, j'ai du mal, hein, et ce jusqu'au bout. 10h, la case du week-end continue dès maintenant avec de la musique. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Mais oui, de la musique, continuons à profiter des meilleurs titres de votre playlist de Radio Antigone avec Fool's Garden dans quelques minutes. Il y aura également Ella Priest, Arctic Monkeys ou encore Emily Hand and the Soft Skeleton. Ce sera Fatal Gift dans les prochaines minutes, dans la prochaine heure de cette case du week-end. C'est la deuxième heure qui commence dès maintenant. Une émission toujours en mode de dégradé exceptionnellement puisque je suis actuellement en cours. Elle est donc enregistrée, mais je fais au mieux pour vous proposer une émission de la meilleure qualité possible avec un peu moins de contenu, mais ce n'est rien. Allez là au moins à votre case du week-end et j'espère que vous en profitez bien. Alors dans quelques minutes, nous allons pouvoir parler du programme télé de ce soir. Et oui, les prime time du samedi, que vont-ils vous proposer ce soir? Qu'est-ce que vous proposent vos chaînes? Des programmes inédits peut-être? Là, ça arrive dans quelques minutes. Et puis nous parlerons également économie et ce sera avec Marie-Pierre Olfan. Vous voyez, cette émission est quand même bien remplie hein, malgré tout, malgré le fait qu'elle soit en mode dégradé. Avec Marie-Pierre Olfan, nous irons au Gabon. Gabon, seul pays d'Afrique centrale à ne plus exporter des grumes de bois brut. Sauf que bien, la demande du bois est en hausse. Et donc, le Gabon va peut-être devoir produire un peu plus. Marie-Pierre Olfan nous expliquera tout cela dans quelques minutes. Voilà pour le programme de la prochaine demi-heure. Et puis, le programme de la dernière demi-heure de l'émission, ça arrive un peu plus tard. J'ai le temps encore de vous en reparler. Merci d'être avec nous. Il est 11h02. Je vous propose de repartir tout de suite en musique avec un titre datant de l'année dernière, si je ne me trompe pas, 2021, c'est bien ça. Offenbach et Logic, voici dès maintenant Wasted Love. So outspoken, you don't even notice. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying when I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh, tell me I'm dreaming. This ain't, this ain't another wasted love. Oh, la, la, la, la. Takes me to the point I can't control myself. If I knew how to find the words I tell you, I admit that sometimes I can use your help. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm out trying not to get wasted love. Wake me up, oh, tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love. La, la, la, la. Offenbach et Logic, c'était Wasted Love à l'instant sur Radio Antigone dans votre case du week-end en version dégradée, toujours puisque je suis en cours actuellement. C'est pour cela que nous continuons directement en musique avec Whitney Houston. Voici One Moment in Time. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains.

Agenouille-toi et regarde vers le bas. Agenouille-toi et regarde vers le bas. Vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens revivre de vieux papillons. Je passe à chrysalide, j'étais impotent. Maintenant ma peau tend comme à 20 ans. J'ai avalé le printemps, jeune fun. Je brille comme un gun neuf, j'ai du sang neuf. Je veux 1000 meufs, plus 1000 potes de banque en KL buff. Le tout si possible, arrosé de 1000 teufs. Car tout est vicié, cercle vicieux. La balle à vessie, ici la calvitie. À toi merci, j'ai des preuves de ton œuvre. La jeunesse éternelle pour réécrire mon œuvre. Résurrection, retour de l'érection, de l'action. Quand avant c'était fiction, retour de la libido. Des nuits brèves, des alibis bidons pour réécrire le rêve, elle belle. Citadelle assiégée par une armée rebelle. Moi, en émoi, escaladant la pierre pour finir dans ses bras. Je peux le faire, j'ai le feu, la forme. Transforme un monde monotone et morne. Avaler le printemps, recracher l'automne. Parce que rien ne se perd et tout se transforme. Parce que rien ne se perd et tout se transforme. Vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone. J'aurais voulu te dire que je m'en vais. J'aurais voulu te dire. J'aurais voulu te dire que je marche, je m'en vais. Que je marche, je m'en vais. C'était MC Solar à l'instant sur Radio Antigone et Phil FM dans votre case du week-end. Radio Antigone, le programme télé. Le programme TV, en effet, de ce soir, nous sommes le samedi 12 février. Que vous proposent les chaînes? Eh bien, tout d'abord, c'est très simple, TF1 vous propose The Voice, la plus belle voix. C'est à partir de 21h10, c'est inédit, et puis c'est suivi de The Voice, la plus belle voix, l'after show à partir de 23h40. Sur France 2, un nouveau numéro inédit, attention, inédit, des comiques préférés des Français. Le thème aujourd'hui, quels sont les 30 duos comique préféré des Français, et c'est suivi d'On est en direct avec Laurent Ruquier et Léa Salamé. Sur France 3 à 21h10, Police de caractère, un loup dans la bergerie, c'est le nom de l'épisode de cette série télé inédite. Sur Canal Plus, du rugby avec la 13e journée de Top 14, Toulon affronte Bordeaux-Bègles. Sur France 5, Échappée belle, rendez-vous à l'île Maurice, un paradis retrouvé à partir de 20h55. Sur M6, à 21h10, 911 Lone Star, c'est une série télé et il y a plusieurs épisodes inédits ce soir. Sur Arte à 20h50, la fuite des Huguenots, le saut dans l'inconnu, c'est le nom de ce magazine, à partir de 20h50, et c'est suivi d'un magazine consacré à la révolution électrique en aviation, c'est à 22h30. Sur C8, les plus grands humoristes chez Sébastien à partir de 21h19, c'est inédit et c'est suivi d'une rediffusion. Sur W9, comme tous les samedis, La Petite Histoire de France, c'est inédit et c'est à partir de 21h05. Sur TMC, Colombo, toute rediffusion toute la soirée. Sur TFX, un numéro inédit de Chronique Criminelle qui parle aujourd'hui de l'affaire Gabi Petiot. Amour, meurtre et réseaux sociaux sont au programme de cette émission diffusée sur TFX, le canal 11 de la TNT, à partir de 21h05. Sur NRJ 12, la série télé Young Sheldon dès 21h10. Sur LCP Public Sénat, des films en campagne. C'est à 21h et ça dure 52 minutes, c'est inédit. Sur France 4, ou plutôt Canal Box, Culture Box, pardon, à cette heure-là, le canal 14 de la TNT, à 21h10, vous avez rendez-vous avec Roméo et Juliette. Sur BFM TV, 7 jours BFM à partir de 20h. Soir Info Week-end à partir de 20h59 sur CNews. Sur C-Star, la série télé Ghost Adventure avec plusieurs numéros inédits. Sur Gulli, Lego Master USA. Les Rois de la Brique, l'émission télé diffusée sur M6 dans sa version française, est ici diffusée dans sa version américaine à partir de 21h05, plusieurs épisodes tout au long de cette soirée. Sur TF1, série film, énième rediffusion de Joséphine Ange Gardien dès 21h. Sur la chaîne L'Équipe, eh bien, il y a de la Coupe du Monde et des clubs de la FIFA. Voilà, c'est à partir de 21h15 et vous l'aurez compris, c'est du football. Sur Sister, rediffusion des Simpsons dès 21h05. À la même heure, sur RMC Story, vous aurez un programme inédit, Alien Théorie, avec plusieurs épisodes. Sur RMC Découverte, même programme, un programme inédit à partir de 21h05. Retour à l'instinct primaire, plusieurs numéros inédits ce soir. Et on termine avec Chéri 25 qui vous propose à 21h05 la rediffusion de la série télé Grand Hôtel. Puisque j'ai parlé des chaînes info, on va quand même parler de LCI et de France Info. À 21h, les docs LCI. Et puis à 20h03, les informés. Suivi à 21h30, si je ne m'abuse, de Vrai ou Fake, l'émission de décryptage et de fact-checking de France Info, le canal 27 de la TNT. Voilà pour votre programme télé. Dans quelques instants, on va retrouver Marie-Pierre Olfan. Elle nous permettra de parler économie. Restez bien là sur votre radio à vif et sur Phil FM, Radio Antigone, Phil FM en simultané pour cette émission en mode dégradé puisque je suis en cours actuellement. Aujourd'hui, l'économie, donc, ça arrive dans un instant après la Prieste. Voici à 11h20, Robert Sky. Merci d'être sur Radio Antigone. Il est 11h24 et vous venez d'écouter La Prieste avec Robert Sky. Et il est l'heure de parler économie avec Marie-Pierre Olfan. aujourd'hui l'économie. Et oui, puisqu'on adore parler économie sur Radio Antigone, et notamment dans cette émission et direction, eh bien, le Gabon aujourd'hui. Mais oui, le Gabon. Alors, pourquoi le Gabon? Eh bien, tout simplement puisque le Gabon est le seul pays d'Afrique centrale à ne plus exporter de grumes de bois brut. Mais le boom de l'industrie de la transformation a fait grimper la demande en bois et donc la production qui a doublé en 10 ans. Les explications avec Marie-Pierre Olfan. La forêt gabonaise n'a pas connu de répit ces dernières années. En 2021, les coupes de bois ont atteint 3,7 millions de mètres cubes, soit deux fois plus qu'il y a 10 ans. Pourtant, l'interdiction d'exporter des grumes décrétée il y a 10 ans, justement au Gabon, avait d'abord conduit à une baisse des récoltes de bois. Mais la mesure a aussi créé un avantage pour les usines locales qui n'avaient plus à affronter la concurrence d'acheteurs étrangers. Résultat, avec une offre de bois à prix réduit, les usines se sont multipliées, faisant augmenter la demande. Le risque désormais est d'avoir bientôt une surcapacité de transformation que la forêt ne serait plus en mesure d'alimenter en volume pour certaines qualités données, pointe un économiste de la filière. C'est le cas des essences les plus prisées, comme l'okoumé de qualité supérieure. L'investissement massif dans l'industrie du bois au moment où la rente des forêts primaires baisse doit être accompagné d'aménagements, confirme le directeur de l'Association technique internationale des bois tropicaux. Pour lui, il ne devrait pas y avoir d'impact sur la durabilité des forêts à condition que la production soit répartie sur un plus grand nombre d'essences. Mettre une dizaine d'essences de plus sur le marché permettrait d'alléger la pression sur les plus utilisées aujourd'hui. Plus de récoltes aujourd'hui veut dire aussi en sortie d'usine plus de bois transformé à exporter. Mais la demande est telle que le marché est loin d'être saturé, la Chine absorbant à elle seule la moitié de la production gabonaise. Le volume de bois tropical commercialisé reste par ailleurs si faible qu'un demi-million ou un million de mètres cubes de production de bois en plus ne bouleverse pas les cours. Les prix sont ainsi restés remarquablement stables ces derniers mois par rapport aux résineux, devenus, fait inédit, aujourd'hui plus chers que les bois exotiques. Marie-Pierre Olfan, aujourd'hui l'économie, merci beaucoup à vous et à demain bien sûr. La musique reprend sur Radio Antigone à 11h26. Dans un instant, la dernière demi-heure déjà de l'émission va commencer. Mais pour l'instant, voici Arctic Monkeys. I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know. I said he's a scumbag, don't you know? Staring at the ground, she makes chance of it, he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Arctic Monkey, c'était When the Sun Goes Down sur Radio Antigone dans votre case du week-end. Nous sommes également en simultané sur Phil FM. Radio Antigone. Merci beaucoup d'être à notre écoute. La dernière demi-heure commence dès maintenant dans cette émission en mode dégradé puisque je suis actuellement en cours. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Ça aurait pu être bien que je dise l'heure, puisque c'est le principe d'un top horaire quand même. Il est donc 11h30, bien sûr, sur Radio Antigone et Phil FM. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Et oui, tous les week-ends, 10h midi, la case du week-end, comme vient de le dire la petite voix, ou la grande voix. Pourquoi on dit la petite voix? Mais oui, pourquoi elle serait-elle petite? Je ne sais pas. Alors, on n'est pas dans C'est pas sorcier, hein. Et en plus, la voix C'est pas sorcier est-elle petite? Eh bien, on n'en sait rien, puisque l'avez-vous déjà vue? Mais non, elle est enfermée dans une cabine d'enregistrement son. Bah oui, la pauvre, bah oui. On ira la délivrer, hein, un de ces jours. Lui dire peut-être que l'émission est arrêtée depuis un petit moment, ça pourra peut-être servir. Alors, en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça, même si c'est toujours bien de parler des personnes qui sont enfermées contre leur gré. Mais je vais commencer à déraper, donc je vais me taire et me recentrer sur le sujet, c'est-à-dire l'émission. Dans quelques instants, il y aura une petite actu médiatique, une petite actu numérique, et puis si on a le temps, il y aura quelques sorties jeux vidéo pour bien terminer cette émission. Niveau musique, oh bah on va se faire plaisir, oh mais oui, on va se faire plaisir, puisque nous allons écouter Pat Benatar avec We Belong. Il y aura également, si on a le temps, Avamax, Aloïse Sauvage et puis Emily End and the Soft Skeleton. Mais pour l'instant, pour bien continuer cette émission et débuter la toute dernière demi-heure de ce samedi, eh bien voici un titre de 2019, extrait de l'album Happiness Begins des Jonas Brothers, Only Human, que l'on écoute dès maintenant dans la case du week-end de Radio Antigone. Il est 11h32 et vous êtes les bienvenus pour profiter de cette émission. Tout simplement. Time, so leave with me again. Let's do it one. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Haven't we made enough for a living wage? We accept the fatal gift, a soup stone for our stove, and a blindfold for our tears. Paying for a living wage, no, it's a deceptive deal. We accept the fatal gift, they hover over where we live. The things you only own you. Ooh. Haven't we saved enough to go away? Accept the fatal gift, they hover over where we live. Vous êtes sur Radio Antigone et Phil FM et vous venez d'écouter Emily Haynes and the Soft Skeleton avec Fatal Gift. Voici dès maintenant les actus du numérique. Radio Antigone. Les actus du numérique. Oui, je m'amuse. Oui, je m'amuse. Mais oui, c'est ça aussi la case du week-end. On s'amuse et on va s'amuser à étudier le logo de Google Chrome puisque Google va changer le logo de son navigateur Chrome. Vous l'avez peut-être déjà remarqué d'ailleurs, il s'agit d'un tout petit lifting. Donc si vous l'avez remarqué, vous avez l'œil. C'est bien un tout petit lifting. La plus grosse modification date de 2011 et depuis que des tout petits liftings. Un petit historique d'ailleurs, tout d'abord. Le logo de Google Chrome, que vous connaissez très certainement, il est sous forme de cercle, avec un cercle central en bleu, et à côté, autour, vous avez une partie du cercle, un tiers du cercle, la partie haute en rouge, un autre tiers en jaune, et un dernier tiers en vert, reprenant ainsi les couleurs du groupe Google. En 2008, ce logo a été comme ça, et un petit peu en 3D, un petit peu vu de côté, comme si vous aviez un buzzer, vous voyez, avec un gros bouton au centre et puis trois petits buzzers tout autour, un petit peu comme ça en 3D, un petit peu lisse, voilà, glissant, tel des buzzers de jeux télé. En 2011, gros changement, gros lifting, on repasse sur quelque chose d'assez plat, toujours quand même un petit peu de relief, mais très très léger, un petit peu de dégradé du côté des couleurs qui donnent justement cet effet relief. Effet relief perdu en 2014, juste une petite ombre à la liaison entre les trois couleurs, donc perte du relief, un logo très simple et qui reprenait les bases de l'époque. Et cette année, en 2022, un petit changement. On perd cette petite ombre, les couleurs sont beaucoup plus prononcées et puis surtout le rond central est agrandi légèrement. Il paraît quand même bien plus grand, voilà, on gagne quelques pixels et donc ça change quand même le logo de Google Chrome qui ça peut choquer, voilà, pour ceux qui ont un petit peu l'œil, ça peut choquer. C'est donc un petit changement, il y en est sur quelque chose de totalement plat, voilà, plus aucun relief, plus rien, plus d'ombre, rien du tout. Voilà pour le nouveau logo de Google Chrome qui est en cours de déploiement, vous devriez le voir arriver au fur et à mesure des mises à jour de votre navigateur. Et pour les utilisateurs des autres navigateurs, pour l'instant j'ai pas d'informations concernant d'autres changements de logo, peut-être Firefox, mais Firefox a changé il y a 1 ou 2 ans il me semble. Mais on suivra bien sûr toutes ces informations au cas où. En tout cas, je voulais vous parler donc de ce petit changement pour Google Chrome qui ne change pas beaucoup de logo, mais quand ça change de logo, en fait depuis 2008, il n'y a pas de gros changements. Voilà, c'est une mise à jour du précédent pour revenir et rester dans les codes de l'époque actuelle. Voilà pour ces actus du numérique qui étaient bien longues, donc j'ai l'impression. 3 minutes, ouais, c'est un peu long pour ce que c'était. Pour parler de logo, c'est un peu long, j'avoue. On repart dès maintenant en musique sur Radio Antigone, tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on écoute? Voici tout de suite Aloïse Sauvage avec Si on s'aime sur Radio Antigone. Il est 11h44, presque 45. Et tu ne décroches plus, ça m'écorche. Je m'efforce de rester fort. À la part esselée, tu m'as laissé sonner. Pas pour me réjouir, mais je sais que c'est moi qui lasse. Ton cœur n'aime pas le faux. Mes excuses font pas d'effet. Je ferai tout ce qu'il faut pour faire honnête à ce compte de fait. Je me demande parfois pourquoi tout se perd fort. Alors que c'était parfait. S'il te plaît, s'il te plaît. Si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens, je t'emmène. Oh, t'auras plus de problèmes. Oh, le bonheur à l'extrême. Oh, si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens, je t'emmène. Oh, je sais que t'en as assez de ma voix qui déraille dès que je te parle de mon ex sans faire le vide en moi. Il suffit d'un mot de travers pour que la discussion dérape. Parce que la peur de réavoir mal prend toute la place. Tu as perdu confiance. Je

Merci d'être avec nous sur Radio Antigone avec à l'instant Pat Benatar. C'était We Belong. Et merci de passer votre matinée avec nous. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Une dizaine de minutes, à peine moins. Oui, puisqu'il est déjà 11h51. Votre émission continue dans quelques minutes. Nous allons parler médias. Ne bougez pas. Voici un titre de 2020. Un titre de l'excellent artiste Ava Max. Was Looking No. A stranger, never felt the words like a razor, but I won't give a damn about it later. All the little things doesn't matter, writing down a brand new chapter, where there's only love, never anger. So lonely in your bed, does breaking me make you feel good? Guess you don't understand what goes around, comes around. Don't you know that I'm stronger? Don't you see me in all black? Don't you cry like a baby? Ha ha ha ha ha ha. Who's laughing now? Know that it's over. Don't you know I won't call back? Don't you cry like a baby? Ha ha ha ha ha ha. Who's laughing now? You'll never see me blue. Radio Antigone et Phil FM, c'était Ava Max avec Wolochino et voici les actus des médias. Ou non, ça arrive après. C'est Vulfpeck que nous allons écouter dans quelques minutes, mais pour l'instant, normalement, ce sont les actus des médias, je disais. Radio Antigone. Les actus des médias. Ne me demandez pas pourquoi ça a fait ça, je ne sais pas, ça ne devait pas faire ça. En tout cas, les actus des médias sont là, on parle de basket, voilà, on parle de basket puisque c'est France Télévisions qui a les droits des compétitions disputées par les équipes de France de basket. Et France Télévisions a justement annoncé ce mercredi que ces matchs, notamment les matchs de qualification du mois de février pour les Coupes du Monde masculines et féminines, seront diffusées sur France 4, le canal 14 de la TNT, qui diffusera donc ces compétitions en clair et en direct. Les femmes vice-championnes d'Europe et médaillées de bronze lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo cet été vont pouvoir tenter de valider leur qualification à la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra en Australie en septembre prochain. tandis eh bien que les hommes pourront jouer un petit peu plus tard. Mais donc c'est France 2 qui a été France 4 pardon, ah bah je me trompe, voilà, dans l'information la plus importante, c'est France 4 qui a été choisie pour diffuser ces matchs. Les commentateurs, eh bien ce sera David Malarme et Céline Dumerc pour les matchs féminins et Jean-Philippe Guillien et Richard Dacoury pour les hommes. Voilà pour ces quelques actus des médias très très rapides. Et donc pour terminer, pardon, cette émission, maintenant ils peuvent venir. Voici Wolfpack avec Lonely Town tout de suite sur Radio Antigone. Is the mayor of Lonely Town, population one, population one. Staring a hole in the ground, staring at the sun. Starting to feel like he might be real, like he's something who might become. Running from mayor to lonely town, population one. See the mayor of lonely town standing in the square at the county fair. Shouting his message out, but there's no one there. Oh, yeah. And the silence surrounds, but he's lost in the sound of an army of fifes and drums. Marching from there alone to town, population. C'était Lonely Town à l'instant sur Radio Antigone et en simultané sur Phil FM. Radio Antigone. 10h, midi, la case du week-end. Qui s'achève déjà, malheureusement. Et oui, j'espère que cette émission vous a plu malgré les quelques petits accros du début. J'ai eu un petit peu de mal. Cette émission était, je vous le rappelle, enregistrée puisque je suis actuellement en cours. Elle était donc en mode dégradé. Mais demain, elle est de retour en direct. Et oui, parce que je n'ai pas cours, heureusement. Hein. Attendez, pas du 7 jours sur 7 quand même. Je vous donne donc rendez-vous demain avec toutes vos chroniques habituelles. Je vous souhaite une excellente journée sur Radio Antigone et vous laisse avec le radio-journal de notre partenaire RFI, puisqu'il est midi. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.